Bon après-midi à vous tous. Aujourd'hui, on va parler de choses ésotériques. On va rendre ésotérique la politique, peut-être. Alors, tu veux politiser l'ésotérique? Ben, c'est déjà fait. Parce que dans la politique, il y a une hiérarchie. C'est uniquement une hiérarchie qui est la base de la politique. La plupart des gens qui s'en vont en politique, c'est pour faire partie de l'hiérarchie puis se ramasser en haut. Finalement. Bon, la politique, qu'est-ce que c'est? La politique, c'est la voie par laquelle on peut parvenir à connaître, consciemment ou inconsciemment, les mécaniques de l'astral qui permettent la manipulation des masses. Bon, peux-tu répéter? C'est pas dans le dictionnaire, évidemment, cette définition-là. Ouais. La politique, c'est la voie par laquelle on peut parvenir à connaître, consciemment ou inconsciemment, parce qu'on peut connaître inconsciemment des choses, les voies par lesquelles on peut manipuler les masses. Et ça, la politique. La politique, c'est uniquement... La politique, elle a comme fonction de manipuler des troupeaux, de manipuler des masses, de manipuler des peuples, et de faire faire au peuple ce que soit l'astral, soit le manipulateur humain, grossièrement, inconsciemment, veut faire. Autrement dit, il y a un dicton politique qui est assez clair. Mieux vaut un troupeau de lions conduit par un mouton qu'un troupeau de moutons conduit par un lion. Mais qui dit ça? Moi. Et c'est extrêmement vrai. Et ce que ça veut dire, c'est que le phénomène politique est un phénomène qui permet de transformer un troupeau de moutons en danger public ou en danger planétaire, ou qui permet aussi de calmer un troupeau de lions pour en faire quelque chose de pacifique. La politique, c'est la voie par laquelle l'astral ou l'intelligence, c'est la voie par laquelle l'information, l'instruction passe pour rejoindre les masses. Maintenant, on doit comprendre que politique ne veut pas nécessairement dire diriger des nations. Du moins des nations géopolitiques, c'est-à-dire limitées par la géographie. La politique peut être aussi théologique. Et pendant longtemps, les religions dirigeaient les masses. C'était de la politique. Et d'ailleurs, on fait encore des élections pour connaître le pape. La politique ne demande pas nécessairement des élections, mais la politique, c'est une mécanique astrale qui permet de donner à un ou plusieurs individus les capacités de manipuler les masses. Adolf Hitler a fait de la politique, mais sa politique était une politique de tyran. Mais ça fonctionne, c'est de la politique, c'est-à-dire que tu es un orateur et tu vas haranguer des foules en fonction de ce que inconsciemment tu veux avoir ou de ce que tu penses consciemment vouloir avoir. C'est évident que l'humain reste manipulé. Et cela engendre des mécaniques politiques qui vont permettre non seulement d'altérer, en bien ou en mal, donc d'une façon ascensionnelle ou d'une façon effusionnelle, les stratégies psychologiques des individus, que ce soit au niveau du plan de la famille, que ce soit au niveau du plan des attentes, que ce soit au niveau du plan de l'espoir, que ce soit au niveau du plan de la cosmologie, des mécaniques spirituelles comme des mécaniques matérielles. Ça reste de la politique. Par exemple, on parle aujourd'hui de savoir s'il y aura un Québec souverain ou un Canada complet, uni avec le Québec. Et à travers ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on parle de politique. On essaie de faire croire aux jeunes Québécois qu'ils sont des Québécois avant d'être des Canadiens. Donc, on joue avec leur cadre émotif. On va essayer de faire croire aux Canadiens que les Québécois ont toujours été la peste bubonique de la Fédération, de la Confédération. Et on va continuellement jouer avec l'historicité, donc nécessairement avec les engrammes réincarnationnels. On peut dire aux Québécois que presque tous les Québécois ont au moins quelques centilitres de sang indien dans leur famille. On peut dire aux Canadiens qu'ils sont plus américains, on peut dire aux Canadiens qu'ils sont un peuple élu, on peut dire n'importe quoi à n'importe qui. Et c'est ce qui se passe présentement chez les Autochtones, par exemple. C'est ce qui se passe aussi au niveau du Québec, c'est ce qui se passe au niveau du Canada, au niveau des États-Unis, au niveau de l'ancienne URSS, etc. Mais là, la politique, c'est la structure par laquelle on manipule le peuple, finalement. C'est par laquelle on manipule les masses. Donc, la masse peut être un peuple, la masse peut être un groupe de skinheads, la masse peut être le Ku Klux Klan, la masse peut être l'Europe en entier, la masse peut être les États-Unis d'Amérique, la masse peut être tout le monde musulman. Donc, pas nécessairement un peuple. Sauf évidemment, si on prend le mot peuple, puis on le monte au niveau de masse, c'est-à-dire qu'on parlera donc de peuple élu. On parlera de peuple divin, ou de peuple musulman, ou de peuple juif, ou de peuple anglais. Mais ça fonctionne jusqu'à un niveau de... Ça va fonctionner, dépendamment du niveau de conscience de la masse à laquelle ça s'adresse? Non. Ça veut dire que peu importe ce que tu vas vivre, ce que tu veux faire passer comme idée, peu importe celui qui est en haut et qui veut faire descendre un projet, une idée, n'importe quoi, ça dépend de comment il va le faire, mais peu importe, ceux qui sont en bas, ils vont bouger comme lui le décide. Comment il va le faire, c'est ce qu'on appelle la politique. C'est pas ton idée de base qui fait que tu es politicien ou pas. C'est ce qui sait comment tu vas communiquer ça au peuple. Il y a un grand roi qui disait à son fils, il lui dit, écoute, je dois rencontrer mon équipe de propagande. Alors le fils dit, roi, pourquoi tu as besoin d'une équipe de propagande? Ben, lui dit, parce que nous régnons d'une façon intelligente sur le peuple. Et si on ne lui dit, pas, il ne pourra pas le savoir. Alors, il y a donc une équipe de propagande qui se promène à travers le peuple, incognito, puis qui vont faire de la politique, c'est-à-dire qu'ils vont communiquer au peuple que le roi est un bon roi, parce que sans ça, les gens ne s'en rendront pas compte que le roi est un bon roi. Et c'est de la politique. La politique, c'est aussi de la publicité, c'est de la mise en marché, c'est des attaques, c'est des tueries, c'est des éliminations massives, c'est des empoisonnements. C'est parce que la question qui me vient, c'est à quel moment, qu'est-ce qui détermine, parce qu'on peut dire que la masse décide de la façon dont elle va être dirigée, parce que c'est elle, par exemple, d'un système démocratique qui va mettre quelqu'un en place pour se faire... Bon, tu as raison, la masse décide de elle va être dirigée, et elle le décide en fonction de l'instruction qu'elle a eue des dirigeants. Bien, dépendamment de la politique qui les a influencés. Donc, la masse dirige, elle ne décide absolument rien. Oui, mais il y a un moment donné que tu auras beau dire quoi que tu voudras, par exemple, à une masse intelligente, ça ne passera pas. Uniquement parce qu'à un certain moment donné, les gens qui font de la politique finissent par vouloir faire du pouvoir. Et lorsque les individus qui font de la politique finissent par ne plus servir leur Dieu, donc ce qui les amenait à avoir l'information nécessaire pour politiser ses idées, ben à un moment donné, ce qui arrive, c'est que les mécaniques astrales qui le chapeautaient se coupent parce que l'individu ne nourrit plus ce à quoi il est relié, mais veut transformer sa place, sa position en pouvoir, donc veut se nourrir lui. Et lorsqu'il commence à vouloir s'auto-nourrir, on le coupe au niveau de l'astral, et là, il commence à perdre le contact avec le peuple, ce qui fait que progressivement, le peuple va commencer à avoir un autre politicien qui peut être l'opposition ou qui peut être quelqu'un à travers le peuple, parce que les mécaniques qui donnaient l'énergie à notre politicien vont se connecter à quelqu'un d'autre, et là, vont forcer progressivement le peuple, encore par la propagande, bref, par les mécaniques politiques, vont forcer le peuple à comprendre que ce bonhomme-là, il est passé de date. Et là, les gens vont vouloir se révolter. Et là, normalement, l'individu, étant donné les mécaniques astrales, parce que tout ce que lui a créé de par sa présence, son parti politique ou son parti de tyran, son empire, ça crée un égrégore qui, elle, ne veut pas mourir. Et là, normalement, l'individu va résister, va vouloir rester en place, malgré que le peuple ne veut plus de lui. Et là, normalement, un pouvoir démocratique devient un pouvoir tyrannique parce que l'individu veut plus décoller. Et là, dépendamment des endroits, des égrégores, donc, qui vont manipuler la population ainsi que le gouvernement en place, on pourra assister à l'émergence de régimes militaires ou de régimes comme on en retrouve au Mexique, non pas au Mexique, mais disons Amérique centrale et Amérique du Sud, un peu partout en Afrique. Parce que tout ce qui peut manipuler une masse à tasser la personne qui est en place, c'est une autre, c'est une autre forme de politique. C'est toujours la même politique. Qui peut être, par exemple, menée par l'opposition, ou par exemple, on prend ici au Canada ou au Québec. C'est une autre forme, c'est toujours de la politique qui tire sur un bord et tire sur l'autre, mais à un moment donné, ça ne passera plus, ça. Bon, c'est pourquoi, normalement, l'être humain intelligent finit par vouloir se dissocier des mécaniques politiques, donc il devient apolitisé, et il ne va plus voter, il ne participe pas. C'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui ne vont pas voter uniquement parce qu'ils ne comprennent absolument rien à la politique. La politique est une guerre religieuse. Alors, nécessairement, c'est une guerre de pouvoir. Ce sont des individus qui ont du pouvoir, des individus qui ont des possibilités, et ces individus-là passent leur temps à essayer de contrôler les masses pour servir leur propre... pourrait dire leur propre famille, leur propre idéologie. Maintenant, au Québec, on a différentes idéologies et présentement, le système politique est de plus en plus compliqué à l'échelle de la planète parce que nous approchons de la fin d'un cycle et approchant de la fin d'un cycle, la majorité des engrammes réincarnationnels, donc des mémoires qui flottent dans l'astral et qui ne sont pas encore incarnées, se cherchent un corps. Donc, s'incarne à travers des lignées familiales ou des lignées d'imprégnation, et cela force inconsciemment la majorité des populations à revivre des structures politisées. Parce que, à l'époque où vous avez vécu dans il y a quelques centaines, quelques milliers d'années, tout était politique, sauf que la population participait à la politique parce qu'on demandait toujours à la population ce qu'elle voulait faire et on pouvait, on avait des conseils, conseils de guerre, conseils de paix, conseils de déménagement, conseils de ceci, conseils de cela. On réunissait les individus décidaient et deux jours après, on appliquait. Les individus ont donc tous connu ce que c'était de la politique. La majorité des individus ont aussi tous connu ce qu'était la tyrannie parce qu'ils ont vécu sous des régimes ou des régimes impériaux. Donc, ils ont connu ce qu'était la tyrannie. Et les individus, présentement, vivent avec des mémoires réincarnationnelles qui ne sont pas confondues, qui ne sont pas limitées par l'intelligence et qui se confrontent les unes les autres, des mémoires réincarnationnelles qui leur font dire qu'ils ont le droit de chialer, qu'ils ont le droit de protester, des mémoires réincarnationnelles qui leur font dire que ça ne sert à rien de chialer parce que le tyran ne te laissera pas passer. Donc, les individus finissent par devenir ce qu'on appelle la population silencieuse, des personnes qui chialent sans arrêt, qui sont malades de chialer, mais qui ne feront jamais de politique ouverte, qui ne se mouilleront pas, qui ne se baigneront pas, toujours dans la peur de se ramasser sur une liste noire, d'être éliminés par la police secrète parce que qu'ils réincarnent des mémoires de populations et de pays et d'époques où ça se passait. Présentement, ici au Québec, on vit un régime particulier parce que nous vivons historiquement une confrontation entre un empire qui est le Canada, qui veut conserver le Québec parce que le Québec est l'un de ses plus grands pourvoyeurs en énergie, que ce soit en énergie humaine, que ce soit en énergie d'idées, que ce soit en énergie financière ou en ressources. Et en plus, le Québec, évidemment, est la province qui permet le rattachement des maritimes, donc des provinces de l'Est au reste du Canada. Si le Québec se détache, c'est sûr qu'on en perd d'autres. En plus, le Québec est un morceau de casse-tête extrêmement important, parce que si le Québec se détache, probablement que la Colombie-Britannique va se détacher, que le Manitoba va se détacher, puis bref, finalement, tout va tomber. Alors, on tient à garder le Québec. Le Québec, lui, par contre, aimerait être autonome, c'est-à-dire que le Québec vise uniquement le pouvoir, les individus qui sont en haut et ce qu'ils essaient politiquement d'imbriquer dans la conscience de la population du Québec, c'est le pouvoir. C'est-à-dire que ensemble, nous sommes des caves et séparés et seuls, nous serons moins caves. C'est finalement le résumé de la philosophie des séparatistes. Et à travers cela, l'énergie de séparation du Québec, tout ce qu'elle ne sert à rien. Parce que présentement, l'énergie de la séparation du Québec est canalisée en écœurement par le peuple autochtone. Donc, plus le Québec parle de séparation, plus les Autochtones se sentent dynamisés. Alors, présentement, le Québec sert uniquement de voie de transition. Il prend de l'énergie un peu partout dans l'astral canadien et il la transmet, il la transfuse directement dans les populations autochtones. Alors, les Autochtones finissent par dire que c'est eux le peuple souverain, que c'est eux qui doivent avoir les territoires, que c'est eux qui doivent avoir ceci, être reconnus comme entité autonome. Et plus ça va, plus les Autochtones gagnent du terrain alors que le Québec ne gagne absolument rien. Pourquoi? Uniquement parce que la stratégie est d'obliger le peuple québécois à se réveiller. Et le peuple québécois, lorsqu'il va se réveiller, il va être sous l'empire et sous l'emprise de politiques particulières, des politiques qui peuvent l'amener à se dresser et à faire la guerre, des politiques qui peuvent l'amener à s'éclater complètement en partie et totalement disparaître en tant qu'entité. Ce serait une forme d'autogénocide. Et ça peut amener aussi le peuple québécois à décider de solidifier les structures de base de n'importe quelle population intelligente, de n'importe quel peuple, et ça peut forcer le peuple québécois non pas à rechercher la séparation ou l'union, mais à rechercher, à solidifier les bases même de ce qui constitue son autonomie psychologique, c'est-à-dire que le peuple québécois pourrait devenir une entité un peu comme le Japon l'a été, un peu comme l'Allemagne l'a été, un peu comme d'autres nations l'ont été. Le peuple québécois pourrait, par la force des choses, s'allier suffisamment entre eux pour devenir une force motrice mondiale. Et présentement, la politique de l'intelligence, c'est ce qu'elle demande au peuple québécois, alors que pour ce faire, étant donné que le peuple québécois, comme plusieurs peuples, sauf les Autochtones présentement, vit de médiocratie, les Autochtones, eux, vivent plutôt de supériocratie, et nécessairement, pour arriver à motiver un peuple qui fonctionne uniquement par l'émotivité, on doit procéder à des stratégies d'opposition politique, et la seule façon de devenir puissant quand on est à l'opposition, c'est de s'arranger pour communiquer de l'information qui va permettre d'engendrer l'écœurement à travers la population. Et quand la population est suffisamment écœurée, là, elle peut grouiller, elle peut réagir et elle peut renverser les régimes. Alors, présentement, si le Québec se sépare, il va lui rester les plaines du Saint-Laurent. Habituellement, si tu parles de l'Allemagne, du Japon, eux sont devenus puissants suite à des guerres. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas devenus puissants suite à des guerres. Le Japon a toujours été puissant, mais ils sont devenus la plus grande puissance mondiale à cause de l'aide allemande, à cause de toute la richesse allemande qui était transportée au Japon un peu avant la prise de Berlin. Et ils sont devenus... Pendant longtemps, on savait très bien que lorsqu'on achetait quelque chose, c'était écrit « Made in Japan », on savait que ça voulait dire que c'était « cheap », que c'était pas bon, ça cassait puis ça ne valait rien. Aujourd'hui, quand tu achètes quelque chose écrit « Made in Japan », c'est synonyme de fiabilité. Ça ne cassera pas. « Made in Taiwan » ou « Hong Kong », ça l'a remplacé, le Japon. Pourquoi? Parce que les Japonais ont subitement été lavés par les explosions nucléaires et par l'imprégnation américaine de leur égrégore. Donc, les Japonais ont été lavés de leur tradition. Étant lavés de leur tradition, les Japonais sont obligés de devoir s'adapter à une nouvelle culture. C'est l'américaine. S'adaptant à une nouvelle culture, nécessairement, ils vont mélanger leur culture, ce qui leur en reste, à ce qu'ils perçoivent de l'autre. Et nécessairement, de là va naître une nouvelle culture. Et c'est toujours ces alliances-là qui engendrent la possibilité sociale d'un avancement. Et alors, nécessairement, les Japonais, innovants, donc amenant une nouvelle culture, deviennent un peuple assez puissant. Ça, c'était une mutation culturelle, finalement? C'est toujours ce qui arrive lorsqu'on se fait conquérir. Mutation culturelle. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé aussi pour l'Allemagne. L'Allemagne a été conquise en deux. Elle a été conquise par l'URSS, il y a eu une mutation culturelle. Elle a été conquise donc par l'Europe. Et elle a eu une mutation culturelle aussi. Mais étant donné que les Allemands étaient plus près du point de vue culturel que du reste de l'Europe que de l'Union des républiques socialistes soviétiques, nécessairement l'Allemagne de l'Ouest a pu développer plus facilement, c'est-à-dire continuer à élaborer ses structures scientifiques avec la mutation culturelle qui a fait en sorte que ce peuple-là a changé énormément du point de vue de leur philosophie ou de leur structure astrale. Maintenant, les Japonais, eux, sont devenus la plus grande puissance économique pour la simple raison qu'ils ont une philosophie, évidemment c'est un mélange culturel, c'est-à-dire qu'ils ont la philosophie américaine maintenant de l'innovation et de foncer, mélanger la philosophie du Japon, du drapeau mère qui fait dire que le Japonais est nécessairement l'élite humaine et que c'est le représentant direct de Dieu sur le plan planétaire, donc ça leur, et ça élimine chez eux la médiocratie, ça leur permet d'envisager la conquête du monde. Alors que traditionnellement, la conquête du monde se faisait par les armes et par le fait que les Japonais se retrouveraient partout. Aujourd'hui, la conquête du monde japonaise ne se fait pas par les armes, se fait par l'argent. Et ils n'ont pas besoin d'avoir de Japonais partout, mais ils aimeraient bien voir des non-Japonais partout. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec les États-Unis, avec le Canada, puis un peu partout. Donc, les Japonais veulent conquérir le monde, mais d'une façon qui est acceptable. Le Québec, lui... Les Québécois sont placés dans une situation politique absolument merveilleuse pour devenir un leader mondial. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une structure très instable. L'instabilité est la mère des nouveautés. C'est aussi la mère des famines, la mère des crises, la mère des guerres. Bon, ça dépend simplement de ce que l'humain fait avec l'instabilité. La grosse problématique de la politique directe et non pas la politique de position, c'est qu'on essaie toujours, premièrement, j'ai déjà expliqué que le gouvernement avait comme première fonction de préserver les situations sociales qui nécessitaient sa présence. Donc, les gouvernements planétaires actuels ne sont pas là pour régler les problèmes, ils sont là pour entretenir les conditions qui imposent leur présence. De façon à ce qu'on vote toujours pour des gouvernements similaires. C'est ce qui arrive avec les pays sous-développés. On vote un nouveau gouvernement, bien, il fait la guerre aussi. On renverse le gouvernement, l'autre, il fait encore la même chose. Ça ne change rien ici, c'est la même chose. On part de Bourassa à un autre. Personne ne sait jamais ce qu'ils veulent. Bon, on demande au peuple, puis on leur dit en arrière ce qu'ils doivent répondre. Fait que c'est sûr que ça va bien mal. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que ça, c'est la politique directe. Premier régime politique. Quand on applique une politique directe, donc la politique directe, elle descend, et elle s'arrange toujours pour faire en sorte que les masses soient confondues. C'est-à-dire que les individus soient dissous, dilués à travers le nombre, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'entité solide. Et d'ailleurs, ça va se faire par l'éducation aussi. Lorsque quelqu'un a quelque chose à dire, on lui demande pour qui il se prend. Bon, parce qu'il devrait être un épais, il fait partie de la masse. Bon, il faut qu'il soit un épais. Ça devient compliqué parce qu'il faudra qu'on lui donne des explications sur notre comportement. Maintenant, ce qu'on doit comprendre aussi, c'est que la mécanique donc de politique directe fait en sorte d'engourdir la conscience populaire. C'est-à-dire qu'on va s'arranger pour donner au peuple le maximum d'espoir ou le maximum d'idées que tout va bien ou le maximum de confort. C'est-à-dire qu'on tend, et ça c'est une mécanique totalement divine, autorité théologique, ont tend à rendre stables les masses, les populations. On tend à les rendre stables, et pour les rendre stables, on doit procéder à l'homogénéisation. Bon, c'est un peu comme la pasteurisation, sauf que on fait cuire assez l'humain que les idées brûlent, puis après ça, ça devient homogène. Homogène, ça veut dire que tout le monde est à peu près semblable, standard, donc c'est stable. Le processus social, une fois homogénéisé, crée des peuples qui, normalement, peuvent subsister, survivre, pendant des centaines d'années, sans trop de problèmes. Et c'est ce qui va arriver, par exemple, avec l'Union soviétique. Lorsqu'elle a conquis des territoires, elle s'est arrangée pour rendre homogènes les peuples. Sauf qu'elle les a homogénéisés par la force, la peur, la coercition et ces choses-là. Quand on regarde l'Église catholique, elle s'est arrangée aussi pour homogénéiser. Les conquêtes des Blancs sont faites toujours par l'envoi de missionnaires qui allaient instruire les populations à conquérir, que lorsqu'on va vous taper la gueule d'un côté, présenter l'autre joue. Une fois que c'était bien induit dans leur psychologie, là, on envoyait les troupes militaires qui venaient voir si les gens avaient bien compris les lois de Dieu. Alors, on bûchait sur les Autochtones des pays qu'on allait conquérir, et s'ils se laissaient bûcher, on pensait que c'était correct. Là, par la suite, on envoyait les colons. Et que les colons devaient s'arranger pour civiliser, c'est-à-dire homogénéiser le peuple conquis, et par la suite, on avait un peuple stable. Les populations stables sont des populations mortes. Il y a beaucoup plus de suicides et de drogues, de narcomanie, de toxicomanie dans les populations stables que dans les populations instables. La population stable, ça fait partie des mécaniques célestes de la vision anthropique des choses, c'est-à-dire que l'entropie, c'est la stabilité parfaite par la perte totale de l'énergie motrice. C'est de l'entropie. Et tout dans ce qui fait partie de la vision humaine tend vers l'entropie. Ça veut dire que si tu lances, par exemple, des billes sur le sol, elles vont rouler, mais elles tendent à l'entropie, c'est-à-dire qu'elles vont finir par arrêter, par se stabiliser, par ne plus bouger, parce qu'il n'y a plus d'énergie potentielle, donc plus d'expression cinétique. Et là, on pourra dire le régime est maintenant homogène, stable. C'est bon. Évidemment, quand on parle d'énergie, ce n'est jamais bon, parce qu'il n'y a plus rien qui se passe. Un moteur qui est en entropie est un moteur qui a tout consumé son essence. Un soleil en entropie est un soleil qui n'existe plus. Un humain anthropique, c'est un humain qui a fini de se décomposer. Alors, on s'arrange pour créer des sociétés anthropiques. Donc, faire en sorte que les gens n'aient plus d'idées, que les gens n'aient plus de motricité, que les gens finissent par entrer dans une fourmilière et suivre inconsciemment tout ce qui se passe sans se poser de questions. De ce fait, les individus finissent par créer un grand cercle où tout le monde tourne dans le grand cercle et où chaque personne pense que celui qui est en avant sait où il va, alors il suit. C'est la stratégie de politique directe, créer l'entropie, donc créer l'homogénéité, la stabilité. Dans la stabilité, on n'innove plus. On est satisfait de ce qu'il y a. Donc, l'astral peut dominer parce que ça devient un rituel très social où on vit les mêmes stratégies sans arrêt et on nourrit les populations sans arrêt. Les religions sont les plus grands entrepiseurs. Pourquoi? Parce que la religion, elle inculque directement dans la conscience spirituelle de l'homme, de la femme et de l'enfant, des mécaniques qui l'obligent à des traditions. Si on regarde au niveau musulman, par exemple, tu dois deux fois par jour te tourner vers la Mecque et faire tes prières. L'Église catholique demandera les mêmes choses, mais parce que les gens ici étaient moins anthropiques, parce qu'on a fait trop de conquêtes, ça a changé les choses un peu. On demande des rituels, parce que le rituel t'oblige à retrouver l'entropie, donc l'homogénéité. Exactement comme l'individu qui fait de la méditation transcendantale, et lui, il décide qu'à 8 heures le matin, il fait 20 minutes, puis à 14 heures ou à 16 heures le soir, il fait 20 minutes, il devient anthropique. Il devrait méditer n'importe où, n'importe quand ça s'adonne. Là, il ne serait plus anthropique. La méditation n'est pas une entropie, mais le rituel méditatique, lui, peut devenir anthropique. Donc, politiquement, on commence par exiger des individus l'entropie, l'homogénéité. Alors, de ce fait, on va, par exemple, tout faire pour assimiler les marginaux, que ce soit les immigrants, et dans certains cas, l'assimilation elle peut être bénéfique si l'assimilation n'est pas anthropique. Ce que tu as à amener, amène-le, puis ce qui ne va pas, ne va pas, ce qui va, va. Mais l'assimilation anthropique, ce que tu as à amener, on n'a rien à faire, c'est nécessairement niaiseux. Puis si tu n'es pas content, tu as juste à t'en retourner d'où tu viens. Bon. L'assimilation, donc, va être anthropique et on va assimiler la jeunesse, on va assimiler la vieillesse, on va assimiler les peuples, on va assimiler tout le monde. politique directe crée l'entropie. Les politiques d'opposition sont toujours dynamisées par l'intelligence supramentale. La politique d'opposition, elle passe nécessairement par l'astral, sauf que la politique d'opposition, donc ceux qui sont à l'opposition, que ce soit dans la population, que ce soit au niveau des ministres, des ministères, que ce soit au niveau des gouvernements. Donc, la politique d'opposition est une politique qui, elle, va défaire l'entropie. C'est-à-dire que c'est une injection massive d'énergie qui peut être culturelle, qui peut être théologique, qui peut être stratégique. Et en injectant cette énergie, il se passe simplement ceci, que les individus, bougés par l'énergie, se voient déstabilisés au niveau de leur culture, au niveau de leur émotivité, au niveau de leur astralité, au niveau de leur pensée. Et étant déstabilisés, ils se mettent en mouvement parce qu'ils ont peur. Et ils deviennent donc atropiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans l'entropie. Et à un moment donné, ces individus-là finissent par créer des bouleversements à travers le système homogène, et nécessairement, le système politique va tout faire pour les éliminer. Dans les pays très coercitifs, on les tue simplement, c'est facile. En Chine, on fait même payer les balles par la famille des personnes qu'on élimine. Bon. Et on va les éliminer. Quand on regarde la politique de l'opposition, c'est donc toujours une politique d'intelligence. La problématique, c'est que la politique de l'intelligence, elle a créé un égrégore particulier quelque part. La politique directe, la politique du monde astral, celle qui est anthropique, a créé un égrégore particulier dans une autre part. Et quand les individus de l'opposition finissent parce qu'ils ont engendré suffisamment d'écœurement, et l'écœurement, c'est nécessairement pas la stabilité, quand on est écœuré, on n'est pas stable. Et ça va créer un mouvement qui peut placer le gouvernement d'opposition à la place du gouvernement qui est déjà en place. Et là, en un an ou deux, les égrégores ne pourront pas suivre parce que les individus ne sont pas intelligents. Donc, l'égrégore politique d'opposition dirigé par l'intelligence ne peut pas rester longtemps à la place de l'égrégore en place, l'égrégore qui gouverne, et lentement, il s'estompe, donc il décolle. Et l'intelligence qui habitait les individus qui n'étaient pas anthropiques, donc les individus de l'opposition, finit par les quitter. Et ce peuple-là, donc les personnes qui viennent de gagner le pouvoir pour pouvoir diriger, finissent lentement par se relier au pouvoir politique direct. Donc, progressivement, ils deviennent à leur tour un régime de stabilité politique, donc de stabilité anthropique. Ils veulent garder de la stabilité parce que ça les garantit de demeurer au pouvoir. Est-ce que c'est ça? Avec le semblant de contrôle. La stabilité, il y a des populations qui sont toujours en guerre, mais c'est stable. Oui. Okay, ils sont toujours en guerre. Donc, la stabilité, l'entropie, c'est au niveau de la conscience qu'on la demande. Dans les populations comme ici, l'entropie, on l'a créée par le besoin de posséder. Alors, à un moment donné, on a inventé le système d'achat sans arrêt, c'est-à-dire que les personnes sont devenues des consommateurs extraordinaires et on ne recyclait pas, on consommait. Ça crée une stabilité, c'est-à-dire que les gens font toujours la même chose, ça peut créer du snobisme, parce que j'explique qu'on a deux formes d'aristocratie, il y a la bourgeoisie qui est l'aristocratie véreuse et il y a les aristocrates qui ne sont pas nécessairement bourgeois, qui, eux, peuvent faire des choses. On s'est arrangé simplement pour créer un système de consommation, quitte même à donner de l'argent à ceux qui étaient dans la rue, hein, les assistés sociaux, etc. Il y en a qui, maintenant, on sait que c'est intelligent, mais au départ, c'était pas par intelligence. On a donné de l'argent aux vieux pour qu'ils consomment, on a donné de l'argent aux pauvres pour qu'ils consomment, on donne de l'argent aux jeunes pour qu'ils consomment, on donne de l'argent à tout le monde, puis en plus, on fournit des biens de consommation. Ça, c'est une stabilité anthropique. Bon, c'est sûr que ça a certains avantages sur une stabilité militaire ou guerrière, par exemple, qu'on va retrouver dans d'autres pays, parce qu'on est plus confortable dans la stabilité. Ça, c'est correct. Ça n'empêche pas l'évolution de la matière, le fait de ne pas être stable. D'ailleurs, ça la permet, puis ça l'oblige encore plus. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi en système économique, on va dire que la concurrence est une bonne chose. Pourquoi? Parce que la concurrence, c'est une forme de déstabilisation régulière des marchés. Mais évidemment, il ne faut pas qu'il y ait trop de déstabilisation, un peu de déstabilisation. Ça permet l'innovation. Mais il ne faut pas trop. L'intelligence se sert donc des mécaniques d'opposition. Elle réveille les individus à l'opposition et elle leur fait voir les contres, donc elle leur fait voir que ce qui est en place n'est pas bon. Chez l'humain qui n'est pas intelligent, nécessairement, il va vibrer à l'idée que ce qui est en place n'est pas bon. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon de l'obliger à ne pas être anthropique. Chez l'humain intelligent, donc chez l'être transitif, on va aussi lui faire voir que ce qui est en place n'est pas bon. Mais s'il est intelligent, il va être capable de transcender l'astralité de l'opposition qui l'amène à se déstabiliser et à voir que ce qui est en place n'est pas bon. Il va transcender cette vision des choses et il va être capable de voir que dans ce qui est en place, c'est bon. pas toutes, la majorité des choses, mais là, il va être capable de voir ce qui est bon aussi, qui n'est pas en place. Et c'est ça qu'on devrait mettre en place. Alors que celui qui est à l'opposition dans l'astralité, donc sans l'intelligence, lui a de la difficulté à voir ce qui, en place, est bon. Alors, il va vouloir tout rejeter, et c'est ce qui va faire en sorte qu'on se ramasse avec des politiciens qui sont relativement peu brillants et qui vont toujours être en train de chialer contre tout ce que l'autre parti va faire, ou le gouvernement en place va faire. La politique, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que, un, l'individu qui fait de la politique, il peut ne pas être partisan. Donc, il peut ne pas être assujetti à un parti quelconque. Il peut être tout seul dans son parti. L'individu qui veut la politique, c'est la capacité de se relier aux mécaniques qui nous permettent de contrôler les masses. L'individu qui fait de la politique, la première chose qu'il va déclencher dans son aura, dans sa structure de vie, c'est le fait qu'il va se détacher progressivement des mécaniques collectives de politisation. Cela veut dire que n'importe quel être nouveau, transitif, doit faire de la politique. Pourquoi? Parce qu'en faisant de la politique, il va se détacher des consciences collectives. Il ne fera pas ça du jour au lendemain, il va le faire en quelques mois, quelques années. Bon, quelques mois. Il va se détacher des consciences politiques collectives. Donc, à un moment donné, il va être capable, non pas uniquement d'avoir une opinion politique, c'est une chose qui peut être intéressante, qui peut ne pas l'être, mais il va être capable d'avoir une auto-opinion. Donc, une opinion intrinsèque à lui, qui ne sera pas la coloration directe des mécaniques astrales politiques. Ça reste une coloration, évidemment, de l'information que l'on a. Si on n'a pas toute l'information nécessaire, on aura un point de vue particulier. Mais le point de vue qu'on aura, qui sera particulier, aura été particularisé par notre intelligence, en plus de l'avoir été par les informations qu'on a reçues. Alors que l'individu qui ne fait pas de politique, cet individu-là, lui, chaque fois qu'il a une opinion, disons, politique, c'est jamais une opinion qui a été intelligencée, c'est toujours une opinion qui est collective, qui provient de la masse, de ce qu'il a entendu dernièrement. Bon. Alors, tous les êtres transitifs doivent faire de la politique pour donc, première raison, pour se détacher des mécaniques manipulatrices qui font en sorte que les individus vivent une conscience d'appartenance à une population que, dans leur mental ou dans leur intelligence, ils rejettent. Il y a énormément d'individus transitifs qui se disent non-canadiens, non-québécois, ou qui se disent citoyens planétaires, ou qui se disent pas citoyens du tout, de rien du tout, mais qui en même temps vont être insultés ou heureux s'il se passe quelque chose de politique, soit au niveau fédéral, soit au niveau provincial. Parce qu'ils n'ont pas coupé. Et pour couper, l'individu doit faire de la politique, c'est-à-dire que l'individu doit être capable de commencer à s'intéresser de près à tout ce qui gère le peuple autochtone du milieu planétaire dans lequel il a été implanté. Quand tu parles du peuple autochtone, tu veux dire de Mais je parle de l'homme ancien? Canadien, je parle des unités carbone. OK. Un, ce n'est pas parce qu'on a un corps physique identique au reste du monde qu'on est comme le reste du monde. Deux, ce n'est pas parce qu'on vit au Québec qu'on est nécessairement de racines québécoises et qu'on veut absolument de danser la gigue, jouer du violon, puis manger des bines. Bon. Ce n'est pas parce qu'on se sent canadien que nécessairement on se sent touché par les problèmes de limitation de vente de bois de la Colombie-Britannique aux États-Unis. Ce n'est pas parce qu'on se sent, etc., qu'on doit se sentir accroché. On doit être capable, et c'est ce qui veut dire politiser l'être transitif, l'être humain, l'être intelligent, doit être capable d'avoir une auto-opinion utopisée de ce que doit être le monde dans lequel il vit. Il ne doit pas vivre cela dans l'espoir de changer les choses. Changer les choses, ça appartient rarement à l'être intelligent. Parce que la masse est trop compliquée. Dernièrement, ceux qui ont pu écouter une émission intéressante où on interviewait un gars du Ku Klux Klan, ça donne une idée un peu de l'ampleur de l'impossibilité de changer les choses comme ça. Ah, le gars, il est interviewé à la télévision, puis le gars, explique simplement, il demande à l'orateur, à l'intervieweur, il lui dit, écoute, le plus gros trip, le plus gros plaisir dans la vie, la plus grande jouissance, et tu vas comprendre, comme moi, que c'est d'attacher un noir, un nègre quelque part, puis après ça, d'aller y couper, puis d'aller y chercher le cœur pendant qu'il est vivant. l'arracher, puis le manger devant lui, puis d'avoir la face pleine de son sang. C'est la plus grande jouissance qu'un être humain peut espérer sur la planète. Le gars est à la télévision, puis il explique ça la semaine dernière. Bon, alors évidemment, avant de changer le monde, il faudra changer du monde. Et ça, c'est un blanc, un bon chrétien probablement, un bon citoyen qui fait partie du Ku Klux Klan et qui a établi une immense liste d'individus à éliminer parce qu'ils ont des pointages. Quand tu tues un noir, tu as 3-4 points. Si tu en tues 4, tu peux devenir tel grade dans le clan. Si tu tues une personne extrêmement importante, tu montes de niveau. Si un juif, c'est rien de pire que les juifs, tu montes encore de niveau. Et c'est intéressant, mais ça, on a ça partout. Bon, alors c'est sûr que la personne qui commence à se politiser, ce n'est pas dans le but de changer le monde. Changer le monde peut être un résultat secondaire, ça se peut. Pour le faire, pourquoi? Uniquement pour te dissocier des mécaniques collectives qui te forcent continuellement à agir comme si tu étais un animal humain au même titre que tout le monde. Combien d'énergie avez-vous perdu pendant les discussions du lac Meech? Plusieurs vont dire, oh, pas beaucoup, moi. Non. Mais il y en a, par contre, qui se couchaient beaucoup plus tard quand on en parlait aux nouvelles. Ah, ça ne s'intéresse pas. Mais quelque part en dedans, ils sont accrochés. Et puis, combien de personnes ont mal dormi ou ont moins dormi? Ils ne savent pas s'ils ont mal dormi ou moins dormi, parce qu'ils dormaient pareil. Mais, en tant que l'humain reste accroché à des mécaniques qui ne le concernent pas, qu'est-ce qui vous concerne? Ce n'est pas le Québec. Ce n'est pas le Canada. Ce n'est pas l'Union européenne. Et ce n'est pas la division de l'Union soviétique. Et c'est pas ça qui concerne l'être intelligent. Ça ne concerne pas lui. Ce qui concerne l'être nouveau, l'être transitif, qui devra se politiser, et se politiser veut nécessairement dire s'opinioniser, donc à créer une opinion intérieure qui ne fait pas partie des mécanismes collectifs. L'être humain qui se politise, c'est un être humain qui amène, par sa conscience, par sa parole, par sa gestuelle, donc qui exprime uniquement un monde, pas un monde libre, un monde intelligent. Mais un monde intelligent ne demande pas, un monde intelligent ne peut pas être un monde collectif. Ça peut être immense, un monde intelligent. Mais un monde intelligent, contrairement au monde politisé actuel, astralisé, ne peut pas se faire, n'a pas besoin et même est incapable d'apparaître dans l'essence d'un troupeau, dans la masse. Autrement dit, pour créer une population astrale, on doit être homogène. Pour créer une population intelligente, on doit être instable. C'est évident que c'est un équilibre instable que l'humain va développer, donc une stabilité instable, reliée à l'attente active. L'être humain qui doit exprimer la société d'intelligence, tout ce qu'il fait, lui, c'est qu'il se sert du cadre actuel des choses. Il s'en sert comme vecteur, comme moteur et comme école, puis comme terrain d'expression pour exprimer ce qui se passe chez lui. Parce que l'être humain qui va se politiser, va nécessairement politiser son intérieur. Et politiser son intérieur, c'est se donner la possibilité de se voter soi-même, donc de parvenir à accepter à un moment donné que notre intelligence soit à la tête de notre propre gouvernement, donc du gouvernement intérieur. Et il faut absolument que l'individu en se politisant travaille suffisamment à l'intelligenciation de ce qu'il est lui pour parvenir à restreindre puis à établir des lois dans l'astral, dans son astral intérieur, qui vont régir les mécaniques de sa vie présentement. Donc, ils vont régir le code astral qui l'assujettit à l'astral extérieur. L'humain doit se politiser uniquement dans le but d'atterrir dans sa conscience des mécaniques qui proviennent de l'intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'à un moment donné, tu t'en vas dans un pays où on fait travailler des enfants comme esclaves, que nécessairement, si tu as des enfants là, ben, tu commences à les faire travailler comme des esclaves aussi. Ton troisième enfant, ben, tu le vends pour payer ton chauffage cet hiver, même si tu as de l'argent. Écoute, ça marche ici. L'individu qui n'est pas capable d'être politisé va nécessairement se faire embarquer un jour ou l'autre. D'ailleurs, ils sont tous embarqués sur la planète. Va nécessairement se faire embarquer un jour ou l'autre, même s'il avance, à travers des mécaniques subtiles ou plus subtiles de politisation collective. Et il échappe toujours à son intelligence. Alors, l'individu qui est politisé doit agir exactement, je l'ai déjà dit, puis là, c'est plus clair, je le répète, C'est que l'individu politisé est un être humain, donc un être transitif minimum, qui doit agir exactement comme s'il était son seul maître. Et chaque individu capable de devenir son seul maître, et quand je parle son seul maître, ça veut nécessairement dire être capable de faire de grandes distinctions entre les véhicules planétaires associés aux manipulations de cette planète et les véhicules extraplanétaires qui sont dissociés de ces manipulations planétaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque ton corps physique vit la peur, toi, tu n'as pas peur. Mais si tu es politisé, tu sais que tu n'as pas peur. Et si le corps est incapable de bouger, c'est exactement comme si le peuple ne peut pas bouger, mais le gouvernement est capable de bouger à travers le peuple. Alors, qu'est-ce qui reste à faire au gouvernement? Ça va être de dynamiser, d'organiser, d'orchestrer, de s'organiser pour que le peuple puisse bouger. Ce que tu dois faire avec le corps physique, avec les véhicules planétaires, donc le mental, le plus allié, l'astral, le vital et le physique. L'être humain doit absolument se politiser en ce sens qu'il doit être capable de descendre dans le monde actuel, l'intelligence qu'il habite du monde où il vient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on demande l'opinion à un individu, que pensez-vous de telle ou telle chose? L'individu doit automatiquement, s'il est politisé, se brancher à son intelligence, donc à son ajusteur de pensée, à ses propres sources, et il devra donner ce que lui en pense de ça. Mais la réponse peut être, ça n'a aucune importance, ça. Ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Et là, on va vouloir le culpabiliser, c'est-à-dire l'homogénéiser, puis lui, il doit non pas se défendre là-dedans, mais expliquer à l'autre les mécaniques d'homogénéisation. L'individu ne doit pas, et c'est pas une quête, donc il ne part pas à la conquête d'eux, il ne part pas non plus à la conversion des autres pour se convertir lui-même, qu'il est relié à l'intelligence. Ce que je dis simplement, c'est qu'aucune personne qui fait partie des êtres transitifs ne doit continuer à autoriser l'astral à parler par sa bouche. On ne doit pas. Minimum, ça ne doit pas être dans notre tête. Ce que l'humain doit comprendre, c'est qu'en se politisant, prenons l'exemple. Nous sommes un peuple québécois. C'est intéressant. À un moment donné, on découvre qu'on est des Indiens. Si on commence à se politiser, on va commencer à faire la distinction entre le peuple québécois blanc et le peuple québécois autochtone. Et si on se politise encore plus, on va commencer à faire une différence encore plus évidente entre ce que nous sommes du point de vue de notre source ancestrale par rapport aux autres, à tout ce qu'on nous a voulu, à tout ce qu'on a voulu nous faire croire. Et plus on va se politiser, plus on va se brancher à notre source. C'est sûr que, étant donné que le peuple autochtone est comme le peuple québécois, comme le peuple canadien branché aux mécaniques du passé, ça n'innove pas. Ça change les choses, ça crée de l'instabilité, et l'instabilité, elle émerge toujours de l'évolution sociale. L'évolution peut se faire par la guerre, l'évolution peut se faire par l'apothéose. Se politiser, ça veut dire être capable, à un moment donné, de reconnaître, de découvrir, de vivre, de saisir, de comprendre, de vibrer, que je ne fais pas partie des animaux, que je ne fais pas partie des unités carbone astrales, que je ne fais pas partie des territoires les plus bas du monde planétaire, que je ne fais pas partie de l'opinion traditionnellement acquise ou encore l'opinion normale des choses. Je ne fais pas partie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que j'aborde un sujet, je dois toujours l'aborder à partir du point zéro, du point qui sera celui de mon intelligence. Donc, je dois toujours aborder n'importe quel sujet, même un sujet que je connais, comme si je recommençais à zéro, comme si j'emménageais dans un nouveau sujet. C'est-à-dire de ne pas s'identifier à ce qu'on dit, puis c'est même pas s'identifier à l'intelligence qui passe par nous autres. C'est ça. Ça veut dire s'identifier uniquement à ce qu'on est, puis s'identifier à ce qu'on est ne veut pas dire savoir dans le vocabulaire, dans la parole, dans la mémoire, donc dans la conscience astrale, ce que l'on est. L'être humain qui se politise, la première étape qu'il va vivre, ça va être de savoir ce qu'il n'est pas. Et à un moment donné, il doit être capable de se contenter, c'est ce qu'il va faire, lorsqu'il aura suffisamment rejeté ce qu'il n'est pas, il va finir par être ce qu'il est. Mais il ne pourra pas savoir ce qu'il est, parce que la recherche de savoir qui on est fait partie de l'incertitude de la conscience, fait partie de l'incertitude de la connexion, et ça fait partie de l'ignorance de l'astral. Donc on veut absolument savoir qui on est, de façon à pouvoir combler ces lacunes-là. Mais si on fait ça, on redevient astralisé. Et ça nous empêche, encore une fois, de travailler à continuer notre ascension, donc la fusion. Pourquoi? Parce que si je sais qui je suis, je voudrais conserver la forme que j'ai découverte. Donc, je veux continuer la forme que j'ai découverte. Nécessairement, je vais freiner mon ascension. Parce que je ne voudrais pas changer, parce que si je change, ce que j'ai découvert ne sera plus vrai. Il faudra encore que je recommence et je reste astralisé. Mais il y a un vide, là, entre les deux. Parce que c'était l'ego qui s'identifie finalement à tout. Par exemple, un humain s'identifie à tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est, à ce qu'il dit, à ce qu'il pense, à tout ce qui se dégage de lui. Oui, il s'identifie beaucoup à ce que les autres pensent de lui. Oui, parce que c'est lui qui l'a dégagé, puis il le reçoit. Hein? Bon, mais là, à un moment donné, rendu au point où tu parles, c'est que t'es quoi? L'ego ne s'identifie plus là, à ça, mais t'es encore prêt, elle regarde encore tout ça, puis là, être, ça n'existe même plus. Bien, c'est sûr que ça n'existera plus être. Parce que tu vas être. Vois-tu, l'homme recherche un monde vert, avec une seule teinte de vert. Et là, quand son monde est plurichromique, donc plusieurs couleurs. Et lorsque l'homme trouve un peu de vert, il dit, c'est ça le vert. C'est comme ça que j'aimerais que tout le monde soit. Parfait. Et là, on lui dit, bon, mais regarde, on a de la peinture, tu as tout peinturé. Il ne veut pas. Parce que s'il peinture tout en vert, il ne pourra plus faire de... Il ne pourra plus reconnaître que c'est vert. Dans 5 ans d'ici, ça n'aura plus aucune importance, vert. Tout va être vert. Il ne pourra même plus il s'en rendra même plus compte que c'est vert. On va dire quelle couleur que c'est. Couleur. Il n'y aura rien pour comparer. Bon. Par contre, tout va être vert et c'est ce qu'il veut. Mais maintenant qu'il a trouvé la peinture verte, qu'il a trouvé le petit cadre vert, qu'est-ce qu'il fait? Il en fait une religion, il en fait une structure politique, il en fait une vénération, il en fait de l'espoir. Et puis là, il contemple ça en se disant qu'un jour, tout va être vert. Un but, mais il ne travaillera jamais à ce que ce soit vert. Bon, et si un jour tout est vert, c'est réussi. Mais du point de vue de celui qui aimerait qu'un jour tout soit vert, bien maintenant, il ne peut plus rien aimer, tout est vert. Alors, c'est le problème de ton ego, le problème de la majorité des égos d'ailleurs, qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, quand l'humain est totalement prêt de réussir, il flanche. Que ce soit dans la richesse, que ce soit donc dans l'argent ou dans le temps, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'intelligence, que quelle que soit la chose que l'humain veut avoir, lorsque l'humain flanche, c'est normalement lorsque l'humain était tout prêt. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain doit se politiser parce qu'il va se dissocier des mécaniques astrales collectives et parce que l'humain va être capable, à un moment donné, d'entrer en contact directement avec les mécaniques d'intervention d'intelligence qui sont de plus en plus présentes sur la planète Terre, sans avoir à passer par la mécanique astralisée d'opposition. La mécanique astralisée d'opposition, elle engendrera nécessairement l'écœurement, absolument essentiel à l'élaboration d'une conscience instable, donc affiné au neuf, mais l'individu qui se politise sera capable de contourner la mécanique d'opposition, donc la mécanique d'écœurement, il aura de plus en plus accès à son intelligence sans passer par les affres de la souffrance de l'écœurement. L'écœurement, c'est une capacité, on ramasse de l'énergie par l'écœurement, l'individu qui se politise ramasse de l'énergie par une auto-synergisation. Donc l'écœurement est toujours absolument fondamental pour l'individu qui ne peut pas se politiser. Et politiser ne veut pas dire être partisan, je reviens là-dessus. Politiser, ça veut simplement dire être capable d'avoir nos propres relations avec la mécanique qui dirige les masses, de façon progressivement être capable de se faire un chemin qui reflète beaucoup plus notre intelligence que notre collectivisme. Un individu qui fait une politisation individuelle, bon, ça va être par exemple... s'occuper de sa santé, d'avoir une vision neuve de comment vivre finalement, s'occuper de sa santé. C'est pas juste de s'occuper de sa santé. Mais non, mais ça, c'est un début à un moment donné. Puis de l'exprimer, ça, de ne pas avoir peur de dire ce qu'il pense, de ne pas être gêné, de dire ce qu'il mange finalement, de tout ce qu'il fait dans la vie, ça, c'est d'être politisé envers soi-même, de s'exprimer finalement. Oui, un politique intelligent, un politisé. Toi, tu décides que tu veux commencer à faire du yoga, de la méditation, tu es encore plus tôt. Alors, tu vas t'acheter un livre, la méditation machin chouette, donné par le maître Sri Patatat. Bon. On t'amène ça chez toi, tu commences à lire ça. Là, ta femme, elle est partie. Bon. Et là, tu essayes un petit peu, tu places en position, tu allumes trois bâtons d'encens placés ou bonne place, puis tu te places au quatrième point cardinaux, tu fais comme dans le livre. Là, tu commences à respirer dans l'encens, tu te places, puis tu commences à chanter un petit mantra qui va être Michel, je m'aime, Michel, je m'aime. Bon. Faut que tu fasses ça pendant 15 minutes. Après ça, faut que tu clignotes des yeux. Bon. Mais là, tu es dans ton salon, et juste quand tu commences, ta femme arrive. S'il est politisé, il poursuit. Mais la majorité, vous ne poursuivrez pas. Parce que vous ne voulez pas passer pour un épais, pour un imbécile. Alors, c'est sûr, les cartésiens vont dire, non, moi, c'est parce que je ne veux pas la déranger, je ne veux pas la traumatiser, je veux pas... Ça, c'est la façon catholique d'avoir peur. Peur de déranger autrui. Puis la façon autre, c'est peur de passer pour un imbécile. Alors là, on cesse. Alors toi, tu es quelque part et puis tu attends l'autobus. L'autobus ne vient pas. Là, tu vois du monde collectif qui, à un moment donné, finissent par devenir instables par la frustration. Alors tu les vois, ils mettent un pied dans la rue, puis là, ils se tassent au complet pour voir si l'autobus s'en vient, au lieu de faire trois pas pour être droit pour regarder. Alors, ils font comme s'ils n'avancent pas, puis ils s'étirent, mais ils n'osent pas avancer plus. Ils sont tous déstabilisés, là, tu sais comment c'est? Bon. Pendant que tu regardes ça, tu décides de faire du pompage sacré. Alors, tu commences à pomper. Ça place ton cerveau, ça relaxe la colonne vertébrale, ça rajeunit un peu ton corps. Oui, mais ils sont 25, là, à te regarder pomper. Celui qui s'étire tout croche puis que ça n'a aucun sens de la façon dont il s'étire, il n'y a rien qu'à faire deux pas de plus pour le regarder. Tu sais, tant qu'à les voir, tu vas voir, mais ils font comme s'ils ne voulaient pas les voir, mais ils vont voir quand même. Ça, on accepte ça. Parce qu'eux essaient de rester homogènes, essaient de rester comme s'ils n'allaient pas voir. Puis tout le monde écoute voir ce qu'ils disent à l'autre. Tu sais, elle s'en vient-tu pas, parce que tout le monde veut savoir, mais on est poli. Mais toi, tu es là, poum, poum, poum, poum, poum, poum, puis tu fais ton pompage sacré. Probablement que si tu n'es pas politisé, c'est évident que tu ne pourras pas le faire. C'est sûr que tu peux faire partie de l'opposition. Tu le fais pour écœurer tout le monde. Leur montrer que tu n'as pas peur. Leur montrer, bon, c'est une chose. Et moi, je dis que l'être transitif, à un moment donné, est totalement limité par le fait qu'il est apolitisé par l'intelligence, qu'il est politisé socialement, parce qu'il devient un être homogénéisé. Donc, il n'a pas le droit d'être ce qu'il est. Ah oui, mais à mon travail, là, ça créera jamais de problème. Oui, mais moi, je suis professeur, puis ça ne créera pas de problème. Oui, mais mon mari, ma femme, mes enfants, ça ne créera pas de problème. Ça va créer un petit heurt quelque part, parce que les êtres humains sont politisés par les mécaniques astrales, donc elles font partie des gardiens. Tout le monde est communiste, finalement, parce que tout le monde va aller vendre, même le plus près des membres de sa famille, s'il devient marginal. C'est pas long qu'on va aller en parler tout de suite, on va aller, il faut qu'on s'organise. Bon. Il faut qu'eux autres s'organisent, pas nous autres. Et l'être humain politisé, c'est un être humain que si à un moment donné, il décide qu'il s'assoit extrêmement droit, bien collé, parce qu'il vibre subitement que sa colonne a besoin de ça pour récupérer et réparer certaines formes d'énergie, il le fait. Alors, s'il va au restaurant, il s'assoit extrêmement droit, puis il commence à manger, là, les gens le connaissant comme toujours évaché, on dirait un bonze chinois subitement, là. Assis bien droit, puis il mange son céleri, il prend une bouchée, puis il dépose là, parce qu'il mange trop vite, puis il a décidé que là, il commence à ralentir. Là, tout de suite, là, même s'il y en a un qui est musulman, puis l'autre juif, puis l'autre chrétien, ils vont se mettre ensemble. Tout de suite. Bon, compte-toi. Qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe, ça va-tu bien? Bon, l'être humain qui est politisé fait ce qu'il a à faire, et il passe. Et c'est pourquoi l'être humain politisé, je parle bien évidemment au niveau de l'intelligence, c'est pourquoi vous devez vous politiser, vous devez avoir une opinionisation plus performante de ce que vous êtes, parce que c'est la seule façon par laquelle vous allez parvenir à vous aimer, à vous accepter. Vous êtes toujours présentement, l'être humain qui n'est pas politisé dans l'intelligence, c'est toujours un être humain déchiré entre un paquet de visions. Parce que tu sais ce que tu es, mais tu sais ce que tu ne devrais pas être comme ça, puis tu sais qu'il faut que tu fasses ceci, puis tu sais en même temps que c'est niaiseux de faire ça, puis bon, l'humain est totalement déchiré. Alors, à un moment donné, toi, tu décides que tu te couches à telle heure. Prends ton corps, il bouge. Ouais, mais là j'ai de la visite, là, je ne m'attendais pas. Fiez-vous sur l'astral, ça va trop s'organiser pour que vous ne puissiez pas. Donc, à un moment donné, ben, je m'en vais me coucher. Là, ils vont faire toute une coalition. Là, tu leur donnes un 5 minutes de plus. Bon. C'est extrêmement important. Ce qui est important, c'est même pas ce que vous allez faire. Ce qui est important, c'est le fait de faire. Ouais, mais tout d'un coup, que je me trompe, qu'il ne faut pas que je mange ça, ou qu'il ne faut pas que je fasse ceci, ou qu'il ne faut pas que je dise cela, ça, ce n'est pas un problème. Avec toutes les cochonneries qu'on mange, qu'on entend, ou qu'on dit, ou qu'on fait, on n'est pas à une près. Bon, ça ne nous abîmera pas plus. Tu as souvent, ton ego a souvent peur d'être jugé comme un crétin. Et tu travailles, ton ego travaille souvent énormément à essayer de tout faire pour minimum camoufler ou empêcher les possibilités de fuite pour que les gens pensent que tu es un crétin. Et dernièrement, tu as passé un examen où tu as été recalé parce qu'il y a deux individus qui ont considéré que tu étais un crétin. Tu as tout fait ça, cette protection-là, pour rien. C'est ce que je dis. On en fait tellement pour rien. Alors qu'à un moment donné, on devrait simplement faire ce qu'on a à faire. Fais ce que tu as à faire. Bon, c'est tellement banal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Être politisé, ça veut dire descendre l'intelligence, puis accepter de créer une expression extérieure, donc d'accepter de cesser de reporter notre handicap d'évolution sur le dos des autres, de la collectivité. C'est évident qu'ils font partie des coalitions astrales pour nous empêcher de vivre une ascension. Mais on s'en sert. Je connais tellement de gens qui me répètent souvent que, oui, mais moi, au travail, je ne peux pas. Puis, à un moment donné, j'ai essayé. Là, j'ai essayé de leur expliquer c'était quoi la manipulation. Ce n'est pas ça, essayer. Si tu aurais fait ce qu'il fallait, il aurait simplement fallu que tu agisses comme un être humain conscient des mécaniques de manipulation qui tend à bloquer et à mettre fin à la manipulation. La personne elle s'est dit, pour faire ça, il faudrait que je convertisse la compagnie. Elle a commencé à leur en parler, évidemment, ça n'a pas fonctionné. Bon, c'est pas ce qu'il faut faire. Être politisé, donc sans être partisan, ça veut dire qu'on ne va pas convertir. Ça veut dire que ton patron te demande comment ça se fait que tu es encore en retard. Ben, tu lui dis simplement, parce que j'ai été retardé. Bon, répondez par l'intelligence. Puis on perd son emploi. Il faut quasiment tuer son boss aujourd'hui pour perdre son emploi. Sinon, tout le monde le perd en même temps parce qu'il y a une récession. Non, les raisons, on doit mettre fin à toute cette mécanique déraisonnable de report, d'empêchement sur le dos de l'extérieur. C'est sûr que l'astral est là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Le problème, c'est que vous avez des pattes et vous continuez à marcher sur des roues. L'astral met des bâtons dans les roues. Et bon, 10%. Bon, l'automobile, elle ne fonctionne plus, là. Ah, c'est l'astral, il descend, puis il marche. Oh, mais mon auto! Descend et marche. C'est un moyen de transport. C'est pas un objectif. Donc, ça s'abandonne. Alors, on doit absolument, c'est essentiel, c'est sine qua non, être ce que nous sommes. On sait qu'on doit être transparent, on sait qu'on doit se respecter, donc cesser de se mentir, c'est la même chose. Être politisé, c'est de descendre et d'exprimer dans l'extérieur ce que nous sommes. Pas pour que les autres le sachent, pour que vous puissiez l'être. Imaginez simplement un garçon qu'on déguise en fille, puis qu'on l'oblige à rester une fille toute sa vie, ou une fille qu'on habille en garçon, puis elle ne veut pas, et puis on l'oblige à rester un garçon toute sa vie. Allez les interviewer après 30 ans. Êtes-vous heureux, heureuse, enfin, êtes-vous bien? Elle peut dire, le gars, elle peut dire oui, mais c'est pas bien vrai. Hein? Quand il y a un gars qui a la grouse, là, le gars dès qu'il s'en fait, il s'en va à la maudite couche avec. Et vice-versa. Il n'y a pas de bonheur. Pourquoi? Parce que l'identité réelle d'un individu est totalement encapsulée, puis ça ne peut pas être révélé. Puis après 30 ans, c'est évident que tu es convaincu que tu peux pas. Si je me révèle, ils vont tous me sauter dessus. C'est possible qu'ils te sautent dessus. Mais une fois que ça va être passé, ça va être passé. Après ça, vous allez être vous-même. Puis être soi, c'est faut faire attention, c'est pas d'arriver puis de chanter les louanges, l'intelligence, ou de flatter. Ça, c'est des manipulations. C'est l'intelligence que je veux que s'exprime, pas les concepts de l'intelligence. On fait une petite pause. Vous avez des questions, vous les écrivez.